L'alambic de Stendhal par Casimir Striensky. Stendhal n'a point d'imagination. Ce défaut le conduit au plagiarisme, mais ce n'est point le plagiarisme vulgaire. Il se sert d'un texte comme d'un tremplin, d'où il prend son élan et part pour des régions inexplorées. À l'aide de quelques faits, très simples souvent, il édifie tout un roman. Il réunit, enchaîne ses faits logiquement, les explique non sans quelques longueurs, et finit par arriver à l'originalité. Il suit la méthode historique, n'invente rien, met en œuvre des documents, psychologise et donne des conclusions. Le sujet du rouge et noir tient dans quelques lignes dans la Gazette des tribunaux. Vers 1833, Stendhal trouva une mine féconde. C'étaient des nouvelles ou historiettes, sortes de nouvelles à la main, transmises de génération en génération sous le manteau de la cheminée. Il acheta 12 volumes reliés de ses manuscrits, presque tous relatifs à la Rome des papes, et les légua à sa sœur, Madame Pauline Perrier-Lagrange, qui, grâce à Mérimée, les vendit à la Bibliothèque nationale, où ils sont aujourd'hui à la disposition du public. Il y a une vingtaine d'années, un jeune érudit, mort prématurément, M. Moïse Renaud, aidé de M. Paul Adam, avait eu l'idée de publier ses nouvelles, mais il recula devant cette grande tâche, et non sans raison, se contenta de traduire quelques extraits des plus curieuses de ses historiettes. Son travail m'a été confié par M. Paul Adam, que je tiens à remercier ici, et à mon tour, je voudrais faire connaître un choix de ses récits, lus, étudiés et annotés par Stendhal, laissant de côté ce dont il se servit pour composer la baisse de Castro, Vittoria Accoramboni, les Cenci, la duchesse de Pagliano, etc., qui forment le recueil des chroniques italiennes. Stendhal, dans de nombreuses préfaces et notes émaillant les feuillets de ses manuscrits, a pris soin de nous expliquer l'intérêt qu'il trouvait à ses nouvelles. « Je m'imagine, dit-il, que mes contemporains de 1833 seraient assez peu touchés des traits naïfs ou énergiques que l'on rencontre ici racontés en style de commère. Pour moi, le récit de ses procès et de ses supplices me fournit sur le cœur humain des données vraies, et sur lesquelles on aime à méditer la nuit en courant la poste. J'aimerais bien mieux trouver des récits d'amour, de mariage, d'intrigues savantes pour capter des héritages. Mais la main de fer de la justice n'étant point entrée dans de tels récits, quand même je les trouverais, ils me sembleraient moins dignes de confiance. Cependant, des gens aimables sont occupés en ce moment à faire des recherches pour moi. » Cette préface, daté de Rome, Palazzo Cavalieri, 24th of April 1833, Innocente Anglomanie, renferme un des développements favoris de Stendhal sur la vanité. Il part de ce point que les façons d'agir et de penser des habitants de la Nouvelle-Hollande ou de l'île de Ceylan le laissent fort indifférent. Ces gens-là ressemblent trop peu aux hommes qui ont été ses amis ou ses rivaux. Il en est pour lui de ces indigènes comme des Achilles et des Agamemnon d'Homère et de Racine, qui sont du genre bayatif. J'aime ce qui peint le cœur de l'homme, mais de l'homme que je connais. Or, il se flatte de connaître les Français et les Italiens, et surtout les différentes espèces de vanité qui les distinguent. Dès le milieu du XVIe siècle, la vanité, le désir de paraître, comme dit le baron de Feneste, a jeté en France un voile épais sur les actions des hommes et surtout sur les motifs de ces actions. La vanité n'est pas de même nature en Italie, ce dont j'ai l'honneur de donner ma parole d'honneur au lecteur. Elle a une action beaucoup plus faible. En général, on ne pense au voisin que pour le haïr ou s'en méfier. Il n'y a d'exception que pour 3 ou 4 cérémonies par an, et alors, chaque homme qui donne une fête contraint mathématiquement, pour ainsi dire, l'approbation de son voisin. Il n'y a pas de nuance fugitive, aperçue et saisie au vol à chaque quart d'heure de la vie, avec une inquiétude mortelle. On ne voit pas de ces faces inquiètes et maigres, transpercées par les anxiétés d'une vanité toujours souffrante. Cette vanité d'Italie, tellement différente, tellement plus faible que la nôtre, est ce qui m'a engagé à faire transcrire les bavardages qui suivent. Ma préférence semblerait bien baroque à ceux des Français, nos contemporains, qui sont accoutumés à chercher du plaisir littéraire et la peinture du cœur humain dans les œuvres de messieurs Villemain et de Lavigne. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui l'Angleterre, l'Allemagne et la France sont trop gangrénées d'affectation et de vanité de tous les genres pour pouvoir de longtemps fournir des lumières aussi vives sur les profondeurs du cœur humain. Dans une seconde préface écrite le mois suivant, Stendhal insiste plus particulièrement encore sur la valeur des nouvelles. C'est une véritable cristallisation. Il ne voit plus rien qu'à travers ces faits divers mélodramatiques. Il oublie que le cœur humain, qu'il soit ou non victime de la vanité, se révèle sous toutes les latitudes. Il oublie que Julien Sorel, sans être italien, est une de ses créations les plus extraordinaires et les plus belles. La Chartreuse de Parme sera écrite sous l'influence de ces nouvelles. On comprend qu'il vaille la peine de s'y arrêter quelques instants. On ne trouvera pas ici des paysages composés, mais des vues prises d'après nature avec l'instrument anglais. La vérité doit tenir lieu de tous les autres mérites. Mais il est un âge où la vérité ne suffit pas. On ne la trouve pas assez piquante. J'aime le style de ces histoires. C'est celui du peuple. Il est rempli de pléonasme et ne laisse jamais passer le nom d'une chose horrible sans nous apprendre qu'elle est horrible. Mais ainsi, sans le vouloir, le conteur peint son siècle et les manières de penser à la mode. La plupart de ces histoires ont été écrites peu de jours après la mort des pauvres diables dont elle parle. Il ne nous reste plus qu'à donner maintenant des extraits des petits drames qui semblent avoir captivé particulièrement Stendhal. Celui-ci, par exemple, dont il dit « Peut-être apprendre, récit noir, plébéien, mais pas plat, fait opposition avec les nouvelles à l'ode rose. » Sommaire. Sentence rendue par le pape Urbain VIII, en exécution de laquelle deux impies et criminels, Orcini, charcutier, qui mêlaient de la chair humaine à de la viande de porc, furent en 1638 assommés, égorgés et écartelés sur la place de la Rotonde. Récit. La boutique de ces misérables avait acquis à Rome une grande réputation et était achalandée par les premières maisons de la ville à la grande jalousie des concurrents. On vantait partout l'excellence de leurs produits d'un goût particulier. On ignorait que ce goût si recherché était dû à un mélange de chair humaine. Et les bénéfices des misérables allaient toujours croissant lorsque la disparition consécutive de 3 ou 4 cuisiniers donnait l'éveil à la population et à la justice. La manière dont ces gens s'y prenaient pour tuer leurs victimes était des plus simples. Ils avaient établi dans une cave placée juste sous la boutique et appelée par eux la salle de la chaudière, un vaste étal auquel on accrochait les viandes sous prétexte qu'elles s'y conservaient en meilleur état. Là aussi, ils égorgeaient les porcs. Quand ils parvenaient à y attirer quelques clients, tandis que l'un des deux complices lui parlait pour détourner son attention, l'autre le frappait par derrière avec une massue et le saignait. Après avoir dépouillé le client de ses vêtements et l'avoir désossé, les misérables jetaient au feu les os et les hardes et introduisaient la viande dans leurs diverses préparations. Mais un jour, l'ami de l'une des victimes nommée Fiammingo, ayant vu entrer celui-ci dans la boutique et ne l'ayant pas vu sortir, bien qu'il l'eût attendu longtemps, s'enquit de lui auprès des Norcini, qui lui répondirent ne l'avoir pas vu. Pris de soupçons, d'autant plus qu'on parlait fort depuis quelque temps de l'inexplicable disparition de plusieurs cuisiniers, l'ami adressa une plainte au gouverneur, qui ouvrit une enquête, entendit un grand nombre de témoins et ordonna l'arrestation des coupables et de leurs garçons. Les témoigna avoir entendu des cris dans le sous-sol, mais rien de plus. La justice, pensant alors que le vol était le mobile du crime, interrogea à leur tour les charcutiers qui nièrent. Mis à la torture, ils finirent par avouer leur épouvantable forfait et confessèrent alors seulement l'usage qu'ils faisaient de la chair de leurs victimes, alléguant avoir entendu dire que la viande humaine avait un goût exquis. Ce dernier trait devait enchanter Stendhal qui aimait ces phrases synthétiques. Condamnés à mort, ils furent assommés par la mazzuola, égorgés et coupés en morceaux. Quant à leur garçon, on lui infligea 5 ans de prison et les galères à temps. En tête d'une autre nouvelle, relative à l'année 1595, Stendhal écrit cette note. Un monsieur Picknon, irlandais, probablement fanatique comme le MacBriard de monsieur Scott, insulte le bon Dieu dans les rues de Rome, comme saint Polyocte insulte les faux dieux à Césarée. Il est tenaillé et brûlé sur la place du pont Saint-Ange. Sous Ganganelli, Laurent Ganganelli, pape sous le nom de Clément XIV, 1769-1774, un Anglais, je crois, vint à Rome pour convertir le pape. Ganganelli lui fit donner quelque argent pour retourner chez lui. Je l'aurais fait venir pour m'amuser, mais probablement, ce pauvre Ganganelli, occupé des jésuites, n'avait pas le temps de s'amuser. Récit. Dans les premières années du pontificat de Clément VIII, un Irlandais, nommé George Picknon, se trouva pendant l'octave de la résurrection sur le passage de l'archevêque de Saint-Cels et Saint-Julien à Banqui, lequel allait dans sa paroisse donner la communion aux malades. Pris d'un accès de fureur à la vue du prélat, il le souffleta si violemment que l'archiprêtre, tout étourdi, laissa échapper le Saint-Ciboiré. Picknon aurait piétiné le corps du Christ sans l'intervention de la foule furieuse. Arraché par les soldats des mains de la populace, il est aussitôt incarcéré et interrogé. Mais à toutes les questions, il déclare avoir accompli son devoir et regrette de n'avoir pas entièrement mis son projet à exécution. Plusieurs religieux de sa nationalité, mandés auprès de lui, essayent en vain de le convertir et de lui faire embrasser la foi catholique. Ils perdent leur peine. Le pape, espérant le ramener ainsi à de meilleurs sentiments, ordonne qu'on le garde en prison et qu'on le prenne par la douceur. Tentative inutile. On annonce enfin à Picknon qu'il sera pendu. Il répond à cette sentence par des ricanements. On ajoute alors à la première peine qu'il sera tenaillé dans la rue en allant au supplice. Lorsque la veille de l'exécution, le greffier vient, suivant l'usage, faire lecture de la condamnation, Picknon se met à rire, puis, en une subite fureur, crache au visage du greffier et cherche à lui donner un coup de pied. Tous les confesseurs, tous les assistants qui se succèdent auprès de lui n'obtiennent qu'une réponse négative. Bref, il est conduit au supplice, entouré d'une foule considérable, et tenaillé durant tout le chemin avec des pinces rougies au feu. Ce qui lui arrache, dit le conteur, des hurlements comparables à des mugissements de taureaux, et répand une odeur tellement infecte qu'un des pénitents se trouve mal. Arrivé au lieu du supplice, il se livre lui-même au bourreau. L'exécution faite, son corps est brûlé et ses cendres jetées aux quatre vents. On serait étonné de ne pas trouver d'histoire d'empoisonnement dans ces 12 volumes manuscrits. Le poison, en effet, avec les duels, les meurtres et les vengeances, y joue un rôle tout naturel puisque nous sommes en Italie. Ici, c'est un Girolamo Bianchifiore, sorte de Don Juan ou de Casanova empoisonneur, nous dit Stendhal. Là, c'est un mari trompé, Cristofano, qui tue le prince Abelli, l'amant de sa jeune femme. Nous n'avons que l'embarras de choisir et nous prenons quelques pages jugées ainsi par Stendhal. 1601. Récit rempli de circonstances raisonnables. Onofrio Santa Croce est accusé d'avoir consenti au meurtre de sa mère, la princesse Santa Croce, poignardée à Subiaco par Paul Santa Croce. Il avoue sautement, il est décapité. Onofrio Santa Croce, croyant sa mère enceinte, d'après le témoignage de Paul, lui avait écrit de faire ce que l'honneur exigeait d'un cavaliere honorato, noblesse oblige. Ces quelques pages, de plus, portent plusieurs notes de la main de Stendhal et offrent ainsi un double intérêt. Récit. Paul Santa Croce, gentilhomme romain, avait à plusieurs reprises supplié sa mère de le constituer légataire universel de ses biens. Elle n'y consentait pas. Il résolut de la faire périr. Il écrivit donc à son frère aîné Onofrio Santa Croce, marquis de Loriolo, alors absent de Rome, que leur mère déshonorait par ses débauches la gloire de leur nom et qu'elle se trouvait actuellement enceinte. La pauvre femme était tout bonnement hydropique. Onofrio répondit à Paul qu'il devait faire ce à quoi était tenu un gentilhomme d'honneur. En conséquence, le cadet poignarda sa mère et s'en fut à Naples où il mourut bientôt. Cependant le pape, Clément VIII, Hippolyte Aldobrandini, irrité déjà du parricide des Sensi, ne paraissait guère disposé à pardonner. À défaut du principal coupable, il fait rechercher un complice et prescrit une enquête qui amena la découverte de la correspondance de Paolo et d'Onofrio et par suite l'arrestation du frère aîné qui fut appréhendé par le Barigel au moment où il jouait au ballon dans la propriété des Orsini. Dès que le cardinal Aldobrandini, neveu de Clément VIII, eut appris cette incarcération, il ordonna à Mgr Taverna, gouverneur de Rome, de s'occuper en personne du procès, lui promettant de lui faire obtenir la pourpre, par l'entremise de son oncle, s'il parvenait à obtenir de Nofrio un aveu qui coûta la vie à ce dernier. Le chapeau rouge fait plus d'effet parmi la prélature de Rome que la couleur de l'or aux yeux des bandits. Monseigneur Taverna exécuta si fidèlement les ordres du cardinal Aldobrandini que tant que dura l'interrogatoire, il voulut toujours y assister en personne, ne craignant pas de s'y rendre aux heures chaudes, et presque chaque jour pendant la durée du procès. Ainsi on le vit plusieurs fois quitter le palais en plein mois de juillet à la 17e heure, se rendre aux prisons de Tordinona, et y rester 7 ou 8 heures consécutives pour procéder à l'interrogatoire de l'accusé. Cet interrogatoire portait toujours sur la lettre dans laquelle Onofrio engageait son frère à agir d'après les lois de l'honneur, et le gouverneur voulait savoir ce que signifiaient ces paroles. À la fin, Onofrio, l'esprit troublé par la longueur de l'interrogatoire, avoua qu'il avait entendu par là demander la mort de sa mère pour laver la tache dont la grossesse supposée de la malheureuse femme souillait son illustre maison. Cet aveu lui coûta la vie, il fut condamné et décapité. Mais on s'étonna de la sottise qu'il avait montrée en confessant avoir désiré le trépas de sa mère, car il eût pu dire qu'il entendait par ces mots requérir l'entrée au couvent de cette femme indigne pour étouffer tout scandale. En ce cas, au lieu d'être châtié, il eût obtenu des louanges, d'autant plus que selon les lois de la chevalerie, un fils n'est pas tenu de venger sur sa mère l'offense faite à son honneur. Il n'y est tenu qu'à l'égard de sa femme, de sa sœur célibataire ou de sa fille non encore mariée. Dans la promotion au cardinalat faite par le pape l'an 1604, fut compris Monseigneur Taverna. Si bien que presque tout le monde à Rome disait que le dit Taverna avait un sabaret avec le sang du sudit Onofrio Santa Croce. On prétendit que le désir manifesté par le cardinal Aldobrandini de voir condamner Santa Croce à mort avait pour origine une rivalité d'amour dans laquelle ce seigneur avait encouru la haine du cardinal en montrant en tout lieu, avec affectation, un anneau orné de diamants qui lui avait été donné par une certaine dame, maîtresse commune de Santa Croce et d'Aldobrandini. Cet anneau, elle l'avait reçu auparavant en cadeau du cardinal lui-même. On dit aussi qu'un soir Onofrio avait assailli à coups de poing Aldobrandini, qui passait devant la maison de sa maîtresse, et le lendemain s'était présenté dans son antichambre pour lui faire sa cour, comme s'il ne l'eût point reconnu, d'où colère et vengeance du cardinal. Les chroniques italiennes, que Stendhal eut le temps d'écrire, parurent dans la Revue des Deux Mondes de 1837 à 1839. La série fut interrompue par la publication de La Chartreuse de Parme, terminé le 22 mars 1839. Mais la veille même de sa mort, le 21 mars 1842, Stendhal, pressé d'argent, recevait un acompte de 1500 francs d'un éditeur et s'engageait à donner une suite à ses nouvelles. Sans nul doute, nous aurions eu l'histoire de Onofrio Santa Croce, marquis de Loriolo, enveloppé de subtiles psychologies et coloré de ces petits faits qui mettent à nu le cœur humain. Et celui qui, après Shelley, avait étudié le drame farouche des Cenci, eût peut-être trouvé moyen d'offrir l'affaire plébéienne des Norcini aux belles lectrices du temps de Louis-Philippe. Toujours est-il qu'il est vraiment instructif de faire une visite à ce laboratoire où Stendhal aimait à opérer au milieu d'alambics italiens. Ainsi s'achève l'alambic de Stendhal par Casimir Striensky.